طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On commence inshallah ta'ala le dixième cours dans l'explication du chapitre du mariage tiré du livre Manhaj al-Salikin wa tawdih al-fiqh fi al-din. On a vu précédemment l'importance ou alors le caractère obligatoire qu'il y a dans le fait de rendre public le mariage et de ne pas le cacher. L'auteur a même cité le fait donc d'utiliser le douf, ce qu'on appelle le douf dans la langue arabe. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il cite dans son sahih un chapitre « Babu darbi douffi bin nikahi wal walima » le chapitre concernant le fait d'utiliser le douf pendant le mariage et la walima. La walima, donc le repas qui est lié au mariage, le repas de fête. Et ensuite, après cela, il a cité un hadith d'après Rubayya bint Mu'awwiz qui dit « J'ai un nabi sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu hina buniya alayhi fajalasa ala firashi ka majlisi ka minni » فجعلت جواريات لنا يضربن بالدف يندبن من كتلة من آباء يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. Et donc, cette femme, elle dit, donc, Rubayya bint Mu'awwiz, elle dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu la voir après son mariage. Et après, donc, la consommation du mariage. C'est le moment de la walima. D'ailleurs, la sunna, c'est que la walima soit faite après, justement, que les deux époux ont eu une intimité. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est installé. Et elle dit qu'il y a des jeunes filles, des petites filles, qui ont commencé à frapper sur des douffes. Et elle faisait les éloges de ses parents à elle, qui furent tués pendant la bataille de Badr. Et à un moment, il y a une des petites filles qui a dit, et on a avec nous un prophète qui connaît le futur. On a avec nous un prophète qui connaît le futur, un prophète qui sait ce qui se passe, ce qui arrivera demain. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cette fille, da'i hadihi, délaisse cela. Il a dit à cette fille, délaisse cela, ne dis pas que le prophète connaît ce qui arrivera demain. Et dis ce que tu disais avant. Mais dis ce que tu disais avant. Continue ce que tu disais avant cela. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait le reproche aux filles d'utiliser Ad-Douf. Et donc les savants ont tiré de cela le fait qu'il est permis d'utiliser le douf pendant les mariages, pendant les moments de fête. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de manière authentique que lorsqu'il est arrivé à Médine, eh bien, il y a certaines femmes qui ont utilisé le douf. Tayyib. Mais il est important, barakallahu fikoum, mon cher frère, de savoir que l'utilisation du douf est spécifique aux femmes. Ça veut dire que le frère, il se marie, on fait une walima, il n'y a pas des frères qui vont venir avec un douf, etc., etc. Non, ça c'est spécifique aux femmes. Jazakumullahu khairan. Et d'ailleurs, Ibn Hajar, rahimahullah, il dit, « Al-ahadithu al-qawiyyatu fiha al-iznu bidhalika lin-nisa » فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. Ibn Hajar rahimahullah, il dit, les hadiths qui sont authentiques, qui sont forts, ils montrent clairement qu'il est permis aux femmes d'utiliser le douf. Cependant, les hommes ne vont pas les rejoindre dans ce jugement. Ceci à cause de l'interdiction générale qu'il y a dans le fait de ressembler aux femmes. Il est interdit aux hommes de faire en sorte de ressembler aux femmes, et il est interdit aux femmes de faire en sorte de ressembler aux hommes. Nous avons nos caractéristiques qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordées à chacun, et donc l'homme doit faire attention à cela. Les savants nous citent donc parmi cela l'utilisation du douf. C'est spécifique aux femmes. Et aussi donc concernant cette fête, concernant ce repas de fête lié au mariage, il n'est pas convenable, il est interdit que l'utilisation du douf soit accompagnée de chansons interdites, des chansons qui contiennent des paroles interdites, des paroles perverses ou toute parole qui est contraire à la religion. Et donc il faut faire attention à ça. Aujourd'hui les gens te disent c'est des anachides islamiques. Il faut faire très attention à ce qu'on appelle anachides islamiques. La grande majorité des gens qui font ces anachides islamiques, donc ces chansons liées à l'islam, ces chansons sur l'islam, ne connaissent pas l'islam. Et donc ils vont faire des chansons sur quoi, puisqu'ils ne connaissent pas. Et donc il faut faire très attention à ça, jazakumullahu khayran. Et aussi, il est important de faire attention au fait que ce repas de fête ne dure pas trop longtemps. Souvent, les gens vont faire en sorte que le repas de fête se finisse tard, à tel point que certains vont rater la prière du Fajr. Ceci est interdit. Il faut faire attention au fait que le repas de fête ne contienne pas de mixité. N'oublions pas que nous sommes faibles et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti le fait qu'il n'a laissé derrière lui une fitna plus forte, une épreuve, une tentation plus forte que celle de la femme. Et donc nous devons, nous les hommes, admettre notre faiblesse et ne pas faire une walima dans laquelle il y a de la mixité. Concernant les walima, les repas de mariage qui contiennent de la musique, il est interdit d'y aller. Quelqu'un t'invite à une walima, tu sais qu'il y a de la musique, n'y va pas. Il est interdit d'y aller. Barakallahu fikoum. Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit dans son livre, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Il y a parmi les gens ceux qui, dénoués de toute science, vont acheter de vils discours pour égarer les gens du sentier d'Allah et prendre cela comme distraction. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Ibn Abbas, le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an, il dit ici ce qui est voulu par les vils discours, les plaisants discours, c'est la musique. Voyez ensuite Allah tabaraka wa ta'ala, il dit aussi dans son livre, wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik, et excite ceux que tu pourras parmi eux avec ta voix. Ici beaucoup de savants disent ce qui est voulu par la voix, ici la voix de Shaitan, c'est-à-dire la musique. Et donc, oh chers frères, barakallahu fikoum, ne soyons pas négligents. Le mariage est un bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala. N'utilisons pas le bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'illicite. Faisons en sorte que cette walima, ce repas de mariage, ce repas de fête, soit un jour de fête dans le licite. Et aussi, dernière recommandation, barakallahu fikoum, le fait qu'il n'y ait pas de dépenses exagérées. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont exagérer dans les dépenses liées à la fête de mariage. Ils vont mettre les jeunes dans des situations difficiles. Le jeune veut se marier. Avant de se marier, il doit louer une salle à 5000 euros. Il doit ramener à manger pour je ne sais pas combien de personnes. Au final, son mariage va lui coûter 30 ou 40 000 euros. Et donc il faut faire attention, barakallahu fikoum, cela met les jeunes dans la difficulté et cela fait que les jeunes restent dans la tentation à ne pas se marier. Nous devons aider les musulmans à se marier. Nous ne devons pas laisser les gens dans une situation difficile comme celle-ci. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala.